Attaquons-nous à présent à quelques autres transformations et apprenons comment créer des mots négatifs en ajoutant « n » en début de mot. Alors voyons, comment direz-vous « tolérable » en anglais ? Tolerable. Tolerable, oui, tout simplement. Et alors, si vous voulez obtenir le contraire de tolérable, tout comme en français, il va vous falloir ajouter le préfixe « un », qui en anglais se prononce « n », puisque les sons nasaux tels que « un »,« en », « on » n'existent pas en anglais. Donc, on ajoute « n » devant le mot pour obtenir le mot contraire, donc le mot de sens négatif. Alors, le contraire de tolérable, « tolerable », ça sera intolerable. Intolerable, bien sûr. Donc maintenant, vous savez dire tolérable et intolérable, deux mots qui font partie d'un bon vocabulaire. C'est ce que j'appelle un mot adulte. Ce n'est pas un mot de base, car on ne veut pas se limiter à ce que Michel Thomas appelait le baby talk, du langage d'enfant. Alors par exemple, comment direz-vous compatible et incompatible ? Compatible. Incompatible. Compatible et incompatible. Là encore, ce ne sont peut-être pas des mots que vous serez appelé à utiliser tous les jours, mais ça y est, vous les connaissez et vous êtes donc libre de les utiliser en toute confiance. Et sachant que software, S-O-F-T-W-A-R-E, veut dire logiciel, et computer, C-O-M-P-U-T-E-R, est le mot anglais pour dire ordinateur, comment direz-vous « mon ancien logiciel est incompatible avec mon nouvel ordinateur » ? Voyons, commençons par le début. « Mon ancien logiciel », alors « ancien » et « vieux » se traduisent tous les deux par « old », « O-L-D ». Alors, « mon ancien logiciel » ?« My old software ».« My old software », oui, c'est ça, « mon ancien logiciel » est incompatible avec mon nouvel ordinateur. Nouveau se dit new, N-E-W. Is incompatible with my new computer. Donc, la phrase en entier, ça donne My old software is incompatible with my new computer. Mais revenons au vocabulaire de base. Si capable se dit capable en anglais. Et c'est le même mot qu'en français, mais il se prononce « capable ». Alors, quel sera le mot pour dire « incapable » ? « Incapable ».« Incapable », c'est ça. Et alors, pour dire « incapable de faire quelque chose », on dira « incapable of », suivi de la forme en « ing » du verbe. Par exemple, si « frère » se dit « brother », « b-r-o-t-h-e-r », et « prendre » se dit « to take », T-A-K-E. Comment direz-vous « mon frère est incapable de prendre une décision » ? My brother is incapable of taking a decision. My brother is incapable of taking a decision. Ou bien, comme dirait notre ami Vincent, My brother is incapable of making a decision. C'est ça. Donc, en anglais britannique, on dira « take a decision », mais en anglais américain, on dira plutôt « make a decision », mot à mot, « faire une décision ». Ceci dit, on vous comprendra quelle que soit la variante que vous employez.